sans pouvoir la tête trottouée. Te sortir de là, c'est ici que tu dois vivre. Mais pendant ce temps-là, ton endroit préféré, c'est ici ton refuge pour chercher à bouffer. C'est ici que tu dois vivre. Mais pendant ce temps-là, ton endroit préféré.